France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le destin extraordinaire d'Alfred Nakache. Nageur d'exception et personnalité rayonnante de la natation française, Alfred Nakache éclabousse les bassins français de son talent dans les années 30. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, son destin, comme celui de millions de Français, bouleversé. À lui seul, il pourrait symboliser la schizophrénie du régime de Vichy. Car ce nageur juif d'Algérie, réfugié en zone libre, continue d'être mis en avant par le gouvernement collaborationniste et célébré par ce même gouvernement comme l'un des plus grands sportifs français. Mais la marche de l'histoire finit par le rattraper. Au plus fort de la guerre, il est arrêté avec sa femme et sa fille. Comme des dizaines de milliers de juifs français, Alfred Nakache et sa famille sont déportés à Auschwitz. Mais même dans les camps de la mort, son statut de sportif d'exception va le suivre. Notre invité aujourd'hui, Pierre Assouline, journaliste, romancier, biographe. Il est l'auteur du livre intitulé « Le nageur », consacré précisément à la vie romanesque d'Alfred Nakache. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Gaspard Vallu, coordination Franck Cognard. Chargé de production Rebecca de Nantes. Réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Jeudi 8 août 1946, piscine des Tourelles, à quelques pas de la Porte des Lilas, dans le 20e arrondissement de Paris. Ce jour-là se tiennent les premiers championnats de France de natation d'après-guerre. La France panse les plaies de la période de cauchemar qu'elle vient de vivre, et la population redécouvre peu à peu le goût de vivre, et celui de la liberté, malgré les difficultés d'approvisionnement qui continuent. En tout cas, la foule est présente, nombreuse, dans les gradins qui entourent le bassin olympique où se retrouvent ce jour-là les meilleurs nageurs français. Alors que l'épreuve du 3x100 mètres 3 nages va débuter, les spectateurs posent leurs yeux sur les trois nageurs des Dauphins du TOEC, le grand club toulousain. Il y a là le jeune Alex Jany, le prometteur Georges Valeret et surtout le revenant Alfred Nakache. À 31 ans, ce vétéran de la natation est l'un des plus grands athlètes français. Il est détenteur de plusieurs records de France et d'Europe, et surtout, détenteur du record du monde sur 200 mètres en brasse papillon. Grand, brun, au sourire ravageur, son physique détonne. Là où les autres nageurs sont plutôt fins, filiformes, lui est connu pour son physique musculeux et son style agressif et puissant. Mais si les regards des spectateurs se posent sur lui aujourd'hui, c'est avant tout parce que Alfred Nakache est un survivant des camps de la mort. Revenu il y a seulement quelques mois d'Auschwitz, beaucoup le croyaient disparu. Et surtout, personne ne pensait le revoir un jour plongé dans un bassin olympique. Pourtant, en ce 8 août 1946, Alfred Nakache est bien là. Et avec ses deux compagnons, il va encore une fois marquer l'histoire de la natation française. Le Grand Prix de Paris de natation a attiré la grande foule à la piscine des Tourelles. Dans le relais 3x100 mètres 3 nages, après Georges Valeret qui a fait une magnifique démonstration en dos crawlé, Nakache s'élance à son tour en brasse papillon. Enfin, Alex Jany, dans un crawl souple et puissant, augmente l'avance acquise par ses deux coéquipiers. Il effectue un virage impeccable et terminera son parcours en 57 secondes 8 dixièmes. Ces trois nageurs sont d'ailleurs recordmen du monde du relais 3 nages. Alfred Nakache naît le 18 novembre 1915 à Constantine en Algérie. Il est le second d'une famille de 11 enfants. Dans ce département, l'un des trois de l'Algérie française, il vit une enfance heureuse. Il a une dizaine d'années quand il se découvre une passion pour la natation. Très vite, ses entraîneurs décèlent en lui une vraie capacité d'athlète. Il a son style bien à lui, tout en puissance. Là où certains tentent de glisser sur l'eau, lui s'arrache de toutes ses forces pour la fendre. Même s'il est encore maladroit et qu'il a la fâcheuse tendance à sortir de sa ligne, il aime nager et surtout, il est un travailleur acharné. En 1933, son entraîneur l'envoie à Paris pour disputer ses premiers championnats de France. Il traverse la Méditerranée, non pas à la nage, mais comme tout le monde, sur un bateau. Puis il prend le train depuis Marseille jusqu'à la capitale. Même si le nageur, alors classé en catégorie espoir, ne termine que sixième de la course, il impressionne tout le monde. Alors, c'est décidé. Il est temps pour lui de s'installer à Paris. Il intègre une classe de terminale dans le très chic lycée Jean-Anson de Sailly, dans le 16e arrondissement, et prend sa licence au Racing Club de France, une institution sportive prestigieuse située dans le bois de Boulogne. Là, il côtoie les meilleurs nageurs français. En plus de ses entraînements intensifs, il rejoint une équipe de water-polo, où ses camarades, dont beaucoup sont originaires d'Europe de l'Est, le surnomment Artem, un sobriquet qui le suivra toute sa vie. En 1934, il participe de nouveau au championnat de France qui se dispute dans la piscine mythique des Tourelles, près de la Porte de Lilas. Un monument de la natation, construit pour les Jeux Olympiques de 1912, où le nageur américain Johnny Westmuller a plusieurs fois enthousiasmé le public. Et cette fois, Nakache n'est pas là pour faire de la figuration. Non, tout le monde l'attend au tournant. Les observateurs s'attendent même à un combat acharné avec un autre espoir de la natation française, Jacques Cartonnet. Tout l'opposé de Nakache. Celui-là est grand, blond, à la peau blanche et le corps long et sculptural. Quand il nage, on dirait presque qu'il vole au-dessus de la surface. Alors que Nakache, l'Algérien, le trapu à la peau basanée, semble se battre contre l'eau. Dans l'attitude également, ils sont différents, opposés même. Nakache est un travailleur discret, humble. Cartonnet, lui, est un coureur de jupons qui écume les soirées parisiennes, n'hésitant pas à faire la fête la veille des grandes compétitions, comme lors des Jeux Olympiques de 1932 à Los Angeles, où il manque une course après une soirée folle passée avec une jeune américaine. Mais pour ces championnats de France, c'est bien Alfred, 18 ans, qui s'illustre. Il termine deuxième, derrière le champion incontesté Jean Tarrys, mais devant celui qui est devenu son rival, Jacques Cartonnet. Et c'est le début d'une période de grand succès pour Nakache. En 1935, il bat le record d'Europe du relais 4 fois 200 mètres et devient un membre important de l'équipe de France. Et lorsque les Jeux Olympiques de 1936 se profilent, il fait évidemment partie de la sélection tricolore qui se rend à Berlin. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Les Jeux Olympiques ont commencé. Les meilleurs athlètes du monde sont rassemblés à Berlin. Dans cette Allemagne dirigée depuis 3 ans par Hitler, les performances d'Alfred Nakache, le nageur juif d'Algérie, vont avoir un retentissement qui dépasse le simple cadre du sport. À l'image du sprinter afro-américain Jesse Owens, qui parvient à remporter 4 médailles d'or devant les coureurs allemands et sous les yeux du dirigeant nazi, Alfred Nakache s'illustre lui aussi. Avec ses coéquipiers du relais 4 fois 200 mètres l'âge libre, il termine 4e au pied du podium, mais devant l'équipe allemande. Un affront pour les nazis et leur chef. Après les Jeux Olympiques, Nakache part se ressourcer à Constantine. Il y retrouve Paul, son ami de jeunesse, et son amour également de jeunesse. Il la convainc de s'installer avec lui à Paris. Le jeune couple se marie en 1937, alors qu'Alfred commence son service militaire. C'est à la même période que le champion de natation décide de devenir professeur d'éducation physique. À la fin de l'année 1938, il est déjà 6 fois champion de France dans plusieurs catégories. Il devient aussi une personnalité publique. Le nageur de Constantine s'affiche en une des journaux sportifs et de magazines comme Paris Match. Mais son destin, comme celui de millions de Français, bascule en 1939, lorsque la guerre éclate. Mobilisé, il participe depuis l'arrière à la drôle de guerre qui voit les troupes du Troisième Reich déferler sur l'Europe de l'Ouest. Une offensive qui se solde le 22 juin 1940 par la défaite de la France qui rend les armes et qui s'enfonce dans les ténèbres pour 5 ans. Et lorsque le 10 juillet, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le sort de millions de juifs français est scellé. Quelques mois plus tard, le 7 octobre 1940, le gouvernement installé à Vichy abroge le décret de Crémieux qui, en 1870, avait octroyé la nationalité française aux juifs d'Algérie. L'antisémitisme déjà prégnant des années 30 est désormais institutionnalisé très vite. Ce sont alors tous les juifs de l'Hexagone qui sont stigmatisés et qui se retrouvent au cœur de la propagande du nouvel État français. À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France ». Au pied de la gigantesque statue « La France nouvelle », se dégageant de l'emprise juive, le capitaine Cézille prononce le discours d'inauguration. Pendant les trois premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies, démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France. La conséquence pour Alfred Nakache est immédiate. À peine démobilisé, et alors qu'il est tout juste diplômé de l'éducation nationale, il se voit interdit d'exercer son métier de professeur d'éducation physique. Comme 40 000 juifs français, il est exclu de la fonction publique. C'est un coup de massue. Mais Nakache reste fidèle à son tempérament, et il est bien décidé de ne pas se laisser abattre. Pourtant, face à cette réalité cruelle, il faut faire un choix. À la fin de l'année 40, lui et Paul prennent la décision de passer la ligne de démarcation pour rejoindre la zone dite libre, direction Toulouse. Je rêve au fil de l'eau, écoutant les sanglots de son accordéon nostalgique. Le bateau va toujours emportant mes amours, les regrets de mon cœur romantique. Mais chaque instant qui s'enfuit est un pas vers l'oubli, et déjà mes désirs ne sont plus qu'un souvenir. Aujourd'hui, Alfred Nakache, un destin hors du commun. France Inter, affaires sensibles. Ce n'est pas un hasard si Nakache choisit de s'installer à Toulouse. Ici se trouve l'un des meilleurs clubs de natation de l'Hexagone, les Dauphins du TOEC, plus communément appelé TOEC. Dirigé par Alban Mainville, un entraîneur reconnu dans le monde entier, ce club compte dans ses rangs parmi les meilleurs nageurs français, dont plusieurs sont membres de l'équipe de France, aux côtés d'Alfred. Grâce au dirigeant des Dauphins, Alfred et son épouse trouvent rapidement un logement rue du cimetière Saint-Cyprien, à quelques coups de pédale de la piscine. Et ils font aussi la rencontre de plusieurs proches du club, dont les Janis, qui deviennent rapidement une seconde famille pour eux. Mais surtout, et sous la direction de son nouvel entraîneur, Alfred Nakache continue de progresser. Alban Mainville est convaincu que ce jeune nageur n'a pas encore développé tout son potentiel. Alors il lui attribue une nouvelle spécialité, la brasse papillon. Une nage faite pour lui et son style, tout en puissance. Fidèle à son tempérament, Alfred se donne corps et âme et enchaîne les longueurs sans relâche. Très vite, il se révèle comme l'un des meilleurs. Mais le papillon, c'est aussi la spécialité de son grand rival, Jacques Cartonnet. Jusqu'ici, c'était bien lui qui en était le spécialiste français, genre papillon et papillonnage. Mais le nageur, connu justement pour ses frasques en dehors des bassins, ne peut rien faire face à l'irrésistible vague Nakache. Un à un, les titres de champion lui échappent et terminent tous aux mains du nageur des dauphins du Toec. Cartonnet vit cette rivalité comme un affront. Une humiliation de plus pour lui, qui a tenté quelques mois plus tôt de rejoindre les rangs du club toulousain, en vain. Peut-être pour protéger Alfred, ou bien désireux d'éviter les soucis avec un nageur réputé intenable, les dirigeants lui refusent leur bassin. L'année 1941 est celle de tous les succès pour Alfred Nakache. Il est le plus prolifique des nageurs du Toec et remplit presque à lui seul l'armoire à trophées du club. Lors des championnats de France, délocalisés en zone libre et qui se disputent chez lui, à Toulouse, il remporte le titre sur 100 et 200 mètres nage libre. Il s'empare également de la médaille d'or en 200 mètres papillon et s'adjuge au passage le record de France sur cette distance, l'enlevant à Jacques Cartonnet. La même année, dans le bassin olympique du prestigieux cercle des nageurs de Marseille, il pulvérise le record du monde sur sa distance fétiche, le 200 mètres papillon. Affichant son légendaire sourire à la sortie de l'eau, il est acclamé par une foule en délire, heureuse de voir ce Français enlever ce record à un nageur allemand, tout un symbole. Par la suite, il est convoqué par Jean Borotra, le ministre des Sports du gouvernement de Vichy, pour participer à une tournée promotionnelle de sportifs français dans les territoires de l'Empire en Afrique du Nord. Une série d'exhibitions sobrement baptisée « Quinzaine coloniale ». Le sport français en Afrique du Nord. Monsieur Jean Borotra, commissaire général au sport, arrive à Casablanca afin de présider les manifestations athlétiques qui vont se dérouler en Algérie, Tunisie et Maroc durant 3 semaines. Le premier geste du ministre a été de rendre hommage en compagnie du général Noguès, résident général de France, à celui qui créa le Maroc français, au maréchal Lyautey. À Casablanca se déroulaient d'importantes manifestations sportives. Dans cette piscine qui passe pour l'une des plus belles du monde, les champions de plongeon et de natation ont présenté un magnifique spectacle. Désigné pour effectuer la levée du drapeau lors du passage des 150 athlètes à Oran, Alfred Nakache incarne à lui seul la schizophrénie du régime de Vichy. Lui, le nageur juif d'Algérie, pourtant privé de sa nationalité française, est érigé en symbole du triomphe du sport hexagonal. Conscient du caractère kafkaïen de la situation, il sait qu'il doit son statut à son seul statut, justement, de sportif et de haut niveau. En septembre 41, Paul donne naissance à leur fille Annie. Un bonheur n'arrivant jamais seul, c'est à la même période que le nageur reçoit une proposition d'un des dirigeants du Toec. Ce responsable du club dispose d'un gymnase inoccupé, situé rue Philippe Ferral, à quelques mètres de la Garonne. Il offre la possibilité à Alfred, le professeur d'éducation physique, d'enseigner à nouveau. Or, ce n'est pas l'éducation nationale, mais c'est toujours ça. Et comme toujours, Alfred accepte de bon cœur, avec son légendaire sourire figé sur son visage. Et c'est grâce à ce gymnase qu'il va pouvoir discrètement s'engager dans la résistance. Toulouse en est alors un bastion, où se croisent de nombreux mouvements et où beaucoup de résistants de tous bords transitent avant de prendre le maquis. Un soir, alors qu'il encadre un cours, Alfred est approché par un homme au profil mystérieux. Après quelques minutes d'échange, son interlocuteur lui explique qu'il est un responsable de l'armée juive très active dans la région. Il lui demande alors d'entraîner les nouvelles recrues dans son gymnase pour les rendre opérationnelles. Alfred accepte sans hésiter et accueille rapidement des membres d'autres mouvements résistants. À l'automne 1941, le nageur entame donc une troisième carrière, parallèle cette fois. Le jour, il s'entraîne dans le bassin du Toc. Le soir, il participe à des compétitions. La nuit, il prépare les candidats pour les maquis de la région. Un engagement dans la résistance qui coïncide avec un durcissement de la situation dans l'Hexagone. Car l'année 42 marque un tournant. Nakash, le nageur juif au statut unique, devient la cible des collabos de tout genre. La presse multiplie les articles et les tribunes à son encontre. On l'accuse, pleine page, de souiller les piscines où nagent les Français de bonne race. On s'indigne de voir un juif représenter la France. Et ses rares défenseurs à Vichy, ou au sein de la Fédération, sont acculés de toutes parts. Sa participation à la seconde tournée d'athlètes en Afrique du Nord est annulée en raison des nombreuses manifestations antisémites à son encontre, et ce, malgré les 4 nouveaux titres de champion de France remportés cette année-là. C'est dans ce climat qu'Alfred Nakache voit son rival de toujours, Jacques Cartonnet, affirmer un peu plus son soutien au régime de Vichy et son engagement en faveur de l'occupant allemand. Installé lui aussi à Toulouse, il rejoint les rangs de la milice française. La milice a trouvé naissance dans le cadre restreint mais fort du SOL, issu de la nécessité de créer dans le pays, le plus rapidement possible, une véritable puissance révolutionnaire dont la force soit fondée sur la qualité de ses membres et leur unité absolue de politique. La milice est contre l'égoïsme bourgeois pour la solidarité française, contre la tutelle de l'argent pour la primauté du travail. Dès sa naissance, elle poursuit les trafiquants du marché noir, générateurs d'inégalités sociales et de haine. À Lyon, elle saisit une tonne de café qui est immédiatement répartie entre les comités sociaux des petites entreprises. Il serait vain, a dit Joseph Darnan, de dénombrer toutes les causes de troubles et de désordre. Un danger domine tous les autres, le bolchevisme. Contre le bolchevisme, la milice française. À l'été 43, alors que la France, qui se disait libre, est désormais occupée par les troupes allemandes en réaction au débarquement allié en Afrique du Nord, Alfred Nakache comprend que le vent a définitivement tourné. Les autorités et la fédération refusent de délocaliser les championnats de France qui doivent se tenir à la piscine des Tourelles, à Paris. Lui, le juif apatride, ne peut pas passer la ligne de démarcation et en conséquence, il ne peut pas défendre son titre. Même si plusieurs responsables de la natation française tentent de faire bouger les choses, rien n'y fait. Non, pas question de faire le moindre cadeau à Nakache. Solidaires, 32 nageurs et nageuses français, dont la totalité des athlètes du TOEC, boycottent les championnats de France. Résultat, les menaces pleuvent sur Nakache, qu'on accuse de vouloir instrumentaliser la compétition, mais aussi sur les nageurs solidaires du champion français. Dans les semaines qui suivent, plusieurs personnalités toulousaines sont arrêtées et déportées. Parmi elles, Roger Fouché-Créteau, frère d'un nageur du TOEC et ami proche de Nakache. Il est l'une des principales figures de la résistance locale. À la fin de l'année 43, Alfred Nakache se résigne et prend la décision de franchir les Pyrénées pour rejoindre l'Espagne. Il veut mettre sa femme et sa fille à l'abri. Il fait alors appel à ses réseaux pour organiser sa fuite. Mais l'exil n'est pas sans risque, évidemment. La montagne est sous haute surveillance. Les miliciens français sont nombreux pour aider les militaires allemands à traquer les fugitifs. Et les patrouilles en arrêtent par centaines chaque semaine. Un soir, au début du mois de décembre, Alfred et son épouse reçoivent le signal. Leur maigre paquetage est déjà prêt. Alfred prend sa fille dans ses bras. Et la famille part rejoindre les autres candidats à l'exil. Mais tout ne se passe pas comme prévu, comme le raconte son frère Robert Nakache dans le documentaire Le nageur d'Auschwitz. Mais à partir du moment où la petite, très jeune, s'est mise à pleurer, ils ont eu peur. Et ils ont eu peur, bien entendu, de provoquer une arrestation de tous ces gens, puisque c'était tout un groupe qui repartait vers l'Espagne. Ils sont revenus vers Toulouse en disant « Advienne que pourra ». Mardi 21 décembre 1943, il est un peu plus de 9h du matin. Alfred est affairé dans le gymnase de la rue Philippe Ferral quand une brigade de la Gestapo toulousaine pénètre dans les lieux. Le nageur de Constantine comprend instantanément que c'est bien lui qu'on est venu chercher. Au même moment, rue des Cimetières Saint-Cyprien, au domicile familial, Paul et Annie sont elles aussi interpellées. Le 26 décembre 1943, la famille Nakache embarque dans un train en direction du camp de Drancy, en région parisienne. Là, ils découvrent l'horreur. Tout le monde a entendu parler de ce camp immense où des milliers de juifs français sont entassés avant un départ pour une destination inconnue. Et la cache voit cela de leurs propres yeux. Ils y restent un mois. Le 20 janvier 1944, ils embarquent tous les trois à bord d'un train, le convoi 66, qui prend la direction du camp d'Auschwitz. Après trois jours d'un voyage éreintant, infernal, inhumain, les 1153 condamnés du convoi 66 arrivent aux portes du camp. Alfred ne le sait pas encore, mais ce sont les dernières minutes qu'il passe avec sa femme et sa fille. L'heure du triage a sonné. Des années plus tard, il racontera cet instant à son ami Louis Séverin, qui témoigne à son tour dans le documentaire de Christian Meunier, Le nageur d'Auschwitz. Il m'a dit, quand nous sommes arrivés à la rampe de Auschwitz-Birkenau, nous étions les uns derrière les autres, Paul tenant son enfant dans les bras, notre enfant Annie, elle était devant moi, et nous arrivions devant un officier SS. Et ce gars-là faisait « rechts » et les personnes allaient à droite, « links » et les personnes allaient à gauche du gars. Quand Paul arrive, « rechts » et je vois partir ma femme et mon enfant vers un camion. Et à moi, quand j'arrive, le gars me dit « ha, du bist Nakash ?»« Ja, du gehst am Lazarett » et tu vas à l'infirmerie. Comme infirmier. Il dit, l'image de ma femme montant avec des vieillards sur un camion, c'est la dernière image que j'ai de ma femme et de ma fille. Dans le camp, Alfred Nakache n'est pas un détenu comme les autres. Il est une célébrité. Oh non pas que ce statut lui offre quelconque passe-droit, mais pour les gardiens, il est une attraction, presque une bête de foire. Les gardes s'amusent de voir un champion de sa trempe parmi les détenus. Personne n'ignore qui il est. Personne n'ignore non plus qu'il est celui qui a enlevé à l'un de leurs compatriotes le record du monde de brasse-papillon. Alors, les responsables du camp décident de le mettre au défi. Un jour de printemps, alors que les températures sont encore fraîches et que la brume plane au-dessus des plaines de Haute-Silésie, le général en chef convoque Alfred au bord d'un des bassins de rétention d'eau installés là en cas d'incendie. Avec un regard moqueur, il jette son poignard au fond de l'eau et met le nageur au défi. « Va chercher !» Alfred s'exécute. Il enlève sa tenue de prisonnier, plonge, et en quelques secondes seulement remonte le poignard, la lame entre les dents, puis la dépose aux pieds du général. La légende du nageur d'Auschwitz est née. Durant les mois de juin, juillet et août 44, Alfred retourne nager dans les bassins, en cachette cette fois. Accompagné d'autres détenus, pour la plupart français, il plonge et nage le dimanche quand les capots ont le dos tourné. Mais ces longueurs ne durent que le temps de l'été, bien sûr, avant que le froid d'hiver polonais n'empêche les prisonniers de continuer. Le 17 janvier 1945, alors que les troupes nazies sont acculées sur tous les fronts et que l'armée soviétique se rapproche, les responsables du camp font exploser les chambres à gaz et les fours crématoires. Alors, il rassemble les quelques 70 000 survivants et tous entament une longue marche vers l'Allemagne. Baptisée « Marche de la mort », ces longs exodes vers les camps situés sur le territoire allemand voient des dizaines de milliers de détenus mourir de faim, de froid ou d'épuisement. De ceux partis avec Alfred Nakache, seuls 20 000 arrivent à destination après un périple de plusieurs semaines de marche. Alfred Nakache arrive finalement au camp de concentration de Buchenwald, au sud-ouest de Berlin. Là, le destin lui sourit, enfin. Dans la cohue, en effet, il tombe nez à nez avec une vieille connaissance, Roger Fouché-Créteau, le résistant toulousain qui tient alors un livre de bord dans lequel il recueille les témoignages de ses compagnons d'infortune, propose à Alfred d'y laisser quelques mots. Miracle, miracle. Je retrouve à Buchenwald ce cher vieux Roger et ce après de multiples péripéties, au cours d'un voyage d'évacuation de Buna-Monowitz, jusque dans les enceintes de notre nouvelle demeure. C'est la première fois que je prends la plume depuis 15 mois de détention. Que d'embûches furent dressées sur notre chemin. Notre convoi parti de France le 20 janvier compte peu de rescapés. Sur 1200, je n'en connais qu'une cinquantaine. Ma femme et ma fille, qui avaient quitté la France en même temps que moi, sont peut-être encore quelque part. Que Dieu fasse que nous nous retrouvions un jour. Il nous reste encore de durs moments à passer. Mais c'est plein de résolution que nous aborderons le chemin qui se sera tracé par l'humanité nouvelle. Alfred Nakache. Au printemps 1945, les derniers survivants des camps de concentration nazis sont évacués et tous tentent de rentrer chez eux. Alfred, lui, prend la direction de la France. Le 28 avril, plusieurs personnes le reconnaissent alors qu'il fait partie d'un groupe de revenants installés dans le hall de l'hôtel Lutetia, à Paris. Quelques jours plus tard, il retourne à Toulouse où il est hospitalisé. Il ne pèse plus que 42 kilos, moitié moins que son poids de forme. Ses amis et sa famille de cœur se relaient à son chevet. Mais Alfred, fidèle à lui-même, affirme à qui veut l'entendre qu'il compte bien reprendre la compétition. Quelques semaines plus tard, et alors qu'il est toujours en convalescence, il replonge dans le bassin du Toec, baptisé Piscine Alfred Nakache, peu de temps après sa déportation. Et il apprend que Jacques Cartonnet, son rival de toujours, est en fuite. Après la libération, il traverse les Alpes pour se cacher en Italie. Il y est arrêté une première fois en 1946, mais parvient à s'échapper de l'avion qui doit le ramener en France. Condamné à mort par contumace, il parvient à échapper à la justice. De son côté, et secrètement, Alfred espère toujours revoir Paul et Annie. Mais c'est lorsqu'il reçoit une lettre officielle qu'il comprend que c'est terminé. Sa belle-sœur, Reine Nakache, raconte ce moment dans le documentaire « Le nageur d'Auschwitz ». Les jours où il avait vraiment du chagrin, il se mettait là et il bougeait plus. Un jour, j'ai vu qu'il n'était pas bien. Il était tout pâle. Je dis à Fred, qu'est-ce que vous avez? Il y a quelque chose qui ne va pas? Vous êtes fatigué? Non. Il m'a dit non. Et qu'est-ce qu'il y a? Dites-le-moi. Alors, il a tiré un papier. Il m'a dit, voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. La preuve. Alors, Annie, votre fille, je vous annonce que votre fille a été exterminée dès son arrivée au camp. Voilà. Alors ça, il était effondré. Quant à sa femme, il n'a jamais eu de nouvelles de sa femme. Jamais. Alors ça m'est resté. Alfred Nakache participe au championnat de France en 1946. Dans la piscine des Tourelles, il remporte le 200 mètres papillon et bat le record du monde du relais 3 fois 100 mètres 3 nages avec ses amis et coéquipiers du TOEC. Il dispute là sa dernière compétition au JO de 1948 à Londres. Après une fin de carrière dans l'éducation nationale, à La Réunion où il part avec Marie, sa nouvelle femme, il s'installe à Cerbère dans les Pyrénées-Orientales. Il y retrouve ses amis et sa famille installés dans le sud de la France. Il écoule une retraite tranquille et laisse un souvenir impérissable à ses proches. Le soir, après la fermeture des cafés, nous étions notre groupe. Passe une voiture allemande qui s'arrête, elle était en panne d'essence. Une famille d'Allemands. Alors Alfred s'est levé, est allé sonner aux portes. Au bout de demi-heure, il revient avec un jerrycan d'essence à 1h du matin. Et ils ont pu reprendre la route. Avant de reprendre la route, l'Allemand se... fort poliment d'ailleurs, nous a remercié à tous. Et alors l'enfant a retroussé sa manche et lui a montré... Le matricule. Le matricule gravé dans son... Sur son bras. Sur son bras. Blême. Il savait ce que cela signifiait. Et lui a serré la main, Alfred. Il avait tout pardonné. Alfred Nakache meurt le 4 août 1983 d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans, lors de son kilomètre de nage quotidien. Il laisse derrière lui un parcours extraordinaire et l'un des plus beaux palmarès de la natation française, matinée d'héroïsme. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le destin d'Alfred Nakache. Notre invité, Pierre Assouline. Bonjour. Bonjour. Journaliste, romancier, biographe, vous êtes l'auteur du livre intitulé « Le nageur », consacré justement à la vie romanesque d'Alfred Nakache. Bienvenue dans ce studio de France Inter, cette maison que vous connaissez, je crois. Hein. On vous a entendu à l'antenne de France Inter avec Philippe Calonni, c'est ça ? Exactement, mais il y a presque 30 ans, disons. Bon. Oui, à peu près. Bien, qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette histoire d'Alfred Nakache au point d'en écrire un livre? Ça nous interpelle tous, parce que c'est une histoire passionnante. Mais vous, particulièrement, puisque vous êtes plongé dans cette vie pendant, j'imagine, des mois. Sinon, des années. Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, c'est une identification. On a les mêmes origines. On vient à peu près du même endroit. Les mêmes traditions familiales. Bon, je trouve que je suis nageur, mais malheureusement pour moi, mon palmarès est inexistant, puisque j'en suis très très loin, mais je nage presque tous les jours, et j'adore ça, depuis longtemps. Il y a aussi le fait que c'est des coïncidences, mais quand je suis arrivé en France, j'étais inscrit au lycée Janson de Sailly, et que mon club... Comme lui, mon club, c'est le Racing Club de France. Donc, voilà, ça fait plusieurs choses. Mais à part ça, ce qui m'a fasciné en lui... Parce qu'il y a des champions et des sportifs de très haut niveau, il y en a quand même beaucoup dans l'histoire du sport français. Mais ceux qui se distinguent et qui ne sont pas nombreux sont ceux qui ont un supplément d'âme, c'est-à-dire des qualités humaines que d'autres n'ont pas. J'en connais aujourd'hui, pas beaucoup, mais j'en connais. J'en observe quelques-uns dont on pourrait dire ça. Nakache, c'est le cas, peut-être, et pas seulement, parce qu'il a vécu des épreuves. Je ne parle pas des épreuves sportives, mais des épreuves que l'histoire lui a infligées. Évidemment. Donc, que vous avez évoquées tout à l'heure. Et il s'en est sorti. Alors aujourd'hui, on emploie le terme de résilience, qui est un mot fourre-tout, très galvaudé, que je n'emploie pas dans mon livre, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de résilience. Mais il a réussi à relever la tête, alors qu'il plongeait au retour des camps dans une dépression qu'on peut très bien imaginer. Et pour cause, pas seulement en raison de ce qu'il avait subi, mais parce qu'il venait d'apprendre la mort de ses deux enfants, les plus chers. Bien sûr. Et enfin la mort, l'assassinat. L'assassinat, exactement. Et donc voilà, moi je l'admire pour cette capacité à revenir. Au fait, c'est pas forcément dans le sujet, mais ces sportifs qui ont un supplément d'âme, vous en connaissez d'autres? Qui, par exemple? C'est intéressant. Écoutez, moi, je pense à un sportif que je n'ai jamais rencontré, c'est Teddy Riner. Ouais. Je trouve que j'ai fait du judo aussi autrefois, quand j'étais plus jeune, et que Teddy Riner, je l'observe depuis qu'il a commencé. Son palmarès est absolument éblouissant. Il n'y en a pas deux comme ça dans sa discipline. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est son comportement. Sur le tatami, par rapport à ses adversaires, mais aussi au sein de l'équipe de France. Il y a eu, tout récemment, une anecdote, si je peux me permettre de la citer, qui montre la personnalité de ce très très grand sportif. Clarisse, qui est son équivalent dans l'équipe féminine de judo, qui a un palmarès extraordinaire, a dit il y a peu de temps, moi je veux porter le kimono de mon équipementier. On lui a dit, c'est pas possible, tout le monde porte le kimono de l'équipe de France, de l'équipementier de l'équipe de France. Et elle a dit, oui, mais il y en a un qui porte celui de son équipementier, c'est Teddy Riner, qui est son ami, hein, ils sont très très liés. Et on lui a dit, oui, mais c'est Teddy Riner, c'est l'emblème du sport français, c'est le porte-drapeau absolu, c'est tout ça. Elle a dit, mais pourquoi faire une différence? Si lui a le droit, je veux moi aussi. Et ça a fait une crise au sein du judo français, à tel enseigne qu'on a pensé que ça pouvait remettre en cause la participation de judokas, de certains judokas au championnat et peut-être aux Jeux Olympiques. Et cette crise menaçait de dégénérer. Et ben face à ça, Teddy Riner a dit, puisque c'est comme ça, je reprends le kimono de l'équipe de France, comme tout le monde. Et la crise s'est arrêtée aussitôt. Ouais. Ça, c'est... On va dire, c'est une attitude sportive. Eh ben, vous savez, elle n'est pas si courante. Parce qu'aujourd'hui, le sport, c'est beaucoup, beaucoup associé, malheureusement, parfois à la violence, mais surtout associé à l'argent. À l'argent et à l'hubris, les trois. Eh oui. À la fin du récit, on évoque la participation d'Alfred au championnat de France en 1946, donc quelques mois seulement après son retour des camps. En quoi cette participation et la médaille qu'il remporte au passage raconte à mes yeux, mais vous allez me dire si vous partagez, ça raconte presque à elle seule toute l'histoire d'Alfred Nakache, ce moment-là. Oui, c'est ce retour, parce que en fait, il s'est passé une nuit de feu, en quelque sorte, à Toulouse, quand il était au fond du trou, et spirituellement, moralement, complètement abattu. Il était entouré pourtant par des nageurs, tous les nageurs l'aimaient, il était extrêmement populaire, et puis par sa famille, ses frères, qui étaient nombreux, et enfin, tous les gens, tout le monde était autour de lui en train d'essayer de lui faire remonter. Quelqu'un qui est au fond du trou, en pleine dépression, ça sert à rien de lui dire « vas-y, retrouve ton énergie », ça marche pas comme ça. Alban Mainville, cet entraîneur de légende qui était le sien, est venu le voir, il a su trouver les mots. D'après les interviews que j'ai retrouvées, il lui a dit quelque chose comme « si tu repars pas demain, toi-même, de par ta propre volonté, à l'entraînement, à la piscine, 6 heures par jour ou 7 heures par jour comme avant, si tu ne le fais pas, non seulement tu es mort pour la natation, mais tu es mort même pour la société, parce que tu n'arriveras jamais à reprendre une activité normale. » Donc c'est entre tes mains, ton destin est entre tes mains, à toi de voir. C'est ce qu'on croit savoir de ce qu'il a dit. N'empêche que le lendemain, Nakache est retrouvé et est retourné à la piscine. Comment a-t-il retrouvé non seulement la force, parce qu'il avait perdu 40 kilos quand même. Oui. Il est passé de 84 à 41 kilos au camp. Il se reconstituait un corps d'athlète, ce qui n'était pas évident. Il disait à Auschwitz, j'avais un corps de petit garçon. J'avais honte de mon corps. Et là, il se reconstitue, et il retrouve la force, il retrouve l'énergie, et surtout, il retrouve le désir. Ça, c'est le plus difficile. On ne sait pas comment ça marche, n'empêche qu'il retourne, et que 6 mois après, il est à nouveau champion de France. On continue à parler de son destin, après avoir écouté Bertrand Belin, Surface. Avec mon Varda, j'ai glissé dans les chambres, j'ai eu du repos, des surprises, en amour, plusieurs fois les branches ont cassé, j'ai eu du repos, des nuits blanches, en amour, des jours entiers. Parfois des années perdues de vue, j'ai briqué des surfaces jusqu'à me voir dedans, curieux face à face, pas évident, quasiment moi-même. Quelque part derrière la virgule, à revoir mes calculs, descendu du train couchette, revu mes numéros de claquettes, revu à la baisse, son altesse, des jours entiers, parfois des années. Perdu de vue, j'ai briqué des surfaces jusqu'à me voir dedans, un curieux face à face, pas évident. Avec mon Barda, j'ai glissé dans les chambres, j'ai eu du repos, des surprises, en amour, plusieurs fois les branches ont cassé, j'ai eu du repos, des nuits blanches, en amour, des jours entiers. Et parfois des années. France Inter. Affaires sensibles. Ah, c'était bien Bertrand Belin que nous venons d'écouter, au cas vous auriez pensé que c'était Bachung. Pierre Assouline, revenons sur l'engagement dans la résistance d'Alfred Nakache. Il y a une personnalité, il y a un homme honnête, un homme qui veut se battre, un homme qui n'est pas fataliste. Et il va du bon côté. Hein. Finalement, tout ça est logique. Ben c'est cohérent. Ça va avec justement, au moins cohérent. Oui. C'est tout à fait attendu, si je puis dire, de la part de quelqu'un comme lui, qui non seulement est quelqu'un de très droit, mais qui est entier. Et ça, s'il ne l'avait pas fait, on aurait dit qu'il y a eu un problème. Mais le fait qu'il ait été engagé lui correspond tout à fait. Alors on est venu le chercher par deux fois. Parce qu'en fait, il a une double identité. Il est juif et il est citoyen français résistant. On vient le chercher d'une part parce qu'il y a un groupe de résistants juifs qui se monte, qui vient lui demander d'entraîner clandestinement des jeunes de 18 ans qui vont être envoyés au maquis, mais qui ne savent pas du tout servir des armes et qui n'ont pas de formation physique. Lui, quand même prof de gymnastique. Et donc, il va les entraîner le soir dans son gymnase à Toulouse. C'est le premier acte de résistance. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, il y a un de ses très, très bons amis nageurs, Fouché Créteau, qui lui dit « Mon frère a monté un réseau, un petit réseau de résistance qui s'appelle les Légions Anti-Axe. » Et qui veulent essentiellement, non pas faire des coups de main, mais fabriquer et distribuer de la propagande pour informer les Français du danger qu'ils courent à collaborer, même de loin, avec l'occupant. Et donc, il va travailler aussi avec eux, dans les deux cas. Faut pas oublier une chose, il est à Toulouse. Toulouse, c'est la capitale de la résistance dans le sud. Et puis c'est pas loin de la frontière espagnole, donc voilà. Pour les exfiltrations, c'est... Voilà, exactement. Donc c'est dans cette ambiance qu'il va s'engager en résistance, mais pour lui, il va jamais en faire état spécialement. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va être déporté, si je puis dire, à double titre. Il va être déporté... Juif et résistant. Pour crime de naissance, ouais, étant juif, puisque c'est... C'est ça le reproche, et d'autre part pour propagande anti-allemande, ouais, en collaborant justement à ce mouvement, ce réseau. Et c'est intéressant de mettre la lumière sur ces faits-là, parce que la résistance, c'était pas que l'engagement dans le maquis, les coups de main, ça passait aussi par des actes comme ça. Plus modestes, mais tout aussi utiles. Alors, revenons sur le parcours d'un autre personnage, mais qui est vraiment aux antipodes de Nakache. C'est cartonné. Son rival en boxe, on peut dire presque son rival en politique. Quoi. Oui, c'est pas en boxe, en natation. Ah, en natation, parce que je... en disant en boxe, je voyais bien une piscine, hein, je vous rassure. Oui, mais c'est quand même intéressant parce que c'est un ring de la piscine hein, quand deux hommes s'affrontent. Vous êtes charitable, merci. Et oui, c'est son rival depuis le début. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si un romancier avait voulu inventer un personnage en face de Nakache, il n'aurait pas pu inventer mieux que Cartonnet. Et là, c'est même pas la peine de l'inventer, parce qu'il est le négatif absolu de tout ce que Nakache a de positif. C'est incroyable, il est le contraire. D'abord physiquement, c'est un très grand, mince, un corps sculptural, blond, clair. Nakache, c'est le contraire, hein, tout en muscles, trapu, très brun, cheveux crépus. Et puis, Cartonnet, c'est un personnage assez fantaisiste, mais pas dans le bon sens du terme, un peu je m'en foutiste, il s'entraîne quand il veut. N'empêche que c'est un champion, faut quand même le dire, hein. C'est un grand champion. Il a 5 ans de plus que Nakache, donc il a plus d'expérience. Mais quand Nakache arrive dans les bassins, bah maintenant c'est lui qui est deuxième, en quelque sorte, et qui perd des titres. Donc cette rivalité va être exacerbée par la presse, et c'est quand même une époque où les gens, le soir, n'ont pas la télévision, ils vont tous voir des matchs de boxe, de course à pied, et puis des nageurs qui s'affrontent. Les piscines sont archi pleines de spectateurs. Et pendant toutes les années 30, ils vont s'affronter. Ça va être la rivalité. Et pendant ce temps-là, lui, Nakache ne s'engage pas politiquement, mais Cartonnet va glisser vers le fascisme, et il va entrer au PPF de Jacques Doriot, et ça va se concrétiser plus encore, se radicaliser sous l'occupation, puisqu'il va entrer dans la milice à Toulouse. Il sera responsable départemental de la commission des sports. D'ailleurs, on va le voir parader dans Toulouse et à la piscine en uniforme de milicien avec un flingue sur le côté. Il va participer également à des spoliations de magasins juifs à Toulouse. Tout ça est parfaitement documenté. J'ai pu consulter son dossier de police, ainsi que, plus important encore, le dossier du magistrat instructeur, qui a fait beaucoup d'interrogatoires à l'époque et qui a conclu évidemment à sa culpabilité, y compris dans la dénonciation de Nakache aux Allemands. Donc on peut dire que Cartenet, on peut le dire, mais on n'a pas la preuve totale. Mais pour les magistrats et pour les policiers, à l'époque, ça ne faisait aucun doute. Il a été condamné à mort par une cour de justice, par contumace. Par contumace, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il devient après? On sait ou pas? Si, on le sait. Il se sauve à la libération dans les fourgons des collabos qui se réfugient à Sigmaringen, château en Allemagne. Ça dure plusieurs mois. Et puis, à l'arrivée des forces alliées, il se planque dans des réseaux de couvents italiens, de couvent en couvent, en Italie. On perd sa trace, on la retrouve dans une piscine à Rome, comme directeur de la piscine. Tiens donc. Et après, non seulement il s'évanouit, mais on ne sait même pas avec exactitude quand est-ce qu'il est mort. Donc il n'a jamais payé son crime? Jamais. Parlons justement, ce sera ma dernière question, du comportement de Vichy par rapport à ces personnages glorieux pour la France, mais qui sont juifs. Et on voit que... On voit avec Borotra, par exemple, que le gouvernement de Vichy fait preuve d'une certaine, j'employais le mot, de schizophrénie. C'est pas le gouvernement, c'est Borotra. Jean Borotra, était ministre des Sports, enfin commissaire aux Sports, du premier gouvernement de Vichy pendant 2 ans. C'est un personnage assez extraordinaire parce que jusqu'à la fin de sa vie, il était pétainiste, pour le maréchal avant tout. Mais dans le même temps, il était totalement germanophobe. Anti-allemand. Il avait une haine des Allemands absolue et il ne le cachait pas. Dans le second gouvernement de Vichy, les Allemands ont eu sa peau. Mais entre-temps, il a fait une délégation de grands sportifs français pour dire on va faire une tournée dans toute la France et en Afrique du Nord pour montrer aux jeunes que le sport français et les grands sportifs français reflètent les valeurs de la Nouvelle-France, de la Révolution nationale et tout. Et qu'ils soient juifs ou non? C'est même pas la question, il s'est pas posé la question. Et il confiait à Alfred Nakache le soin de lever les couleurs à chaque fois. Ouais. Et il l'a protégé pendant 2 ans, jusqu'au jour où lui-même a été déporté en Allemagne dans des conditions confortables, mais tout de même. Merci infiniment, Pierre Assouline. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit autour de cette vie d'Alfred Nakache. Ça s'appelle tout simplement Le Nageur. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le destin d'Alfred Nakache. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmarais.